cours numéro 3. Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. فنواصل القراءة في هذه الرسالة المفيدة المختصرة. On continue la lecture de cette risale de l'imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh. قال ومن تأمل فساد أحوال العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا عن هذين الأصلين أي الغفلة واتباع الهوى. Dans le درس précédent, Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh, il a cité la gravité de الغفلة أي l'insouciance, et كذلك de الهوى, suivre ses passions. وهنا قال ومن تأمل فساد أحوال العالم عموما وخصوصا. هذا سطيب pour le مؤمن. أنه il se demande pourquoi كثير من الناس يبتعد عن العلم والعمل به حتى si il connaît la cause فبإذن الله جل وعلا il s'écartera et il fera attention. لأن كثيرا من الناس ينحرفون بسبب الجهل. فلهذا قال ابن القيم رحمة الله عليه وجده ناشئا عن هذين الأصلين غفلة واتباع للهوى. Ces deux causes, ces deux maladies, عياذا بالله, الغفلة أي s'écarter du دين, ne pas se rappeler, tomber في الدنيا et suivre ses passions, هذا c'est la cause de l'égarement de أكثر الناس. قال رحمة الله عليه فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به فيكون من الضالين. À cause de cette غفلة, il fera plus d'efforts pour comprendre son دين, pour chercher le حق. فلا شك أنه يسوق على الجهل, لأن celui qui fait pas d'effort في العلم pour apprendre comment adorer Allah سبحانه وتعالى, pour apprendre ما هو الحق ما هو الباطل, c'est quoi السنة c'est quoi البدعة, c'est qui أهل الحق c'est qui أهل الانحراف, فلا شك أنه يسوق loin du حق, لأن pour appliquer الحق il faut le connaître. قال ابن القيم رحمة الله عليه فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به. Il y aura un obstacle entre lui et le حق, c'est le ghafla. Il pense qu'à dunya, il pense qu'au travail, il pense qu'à l'argent, il pense qu'au sport, il pense qu'aux études de dunya. Tout ça, c'est un obstacle entre lui et connaître le حق. فكيف إذا أبلك الحق s'il le connaît pas. C'est quoi la cause à la ghafla. فالسلوي كي fait pas attention. فربما هذه الغفلة تهجم عليه. Et بسببها يسكرت du الدين. فكم من الناس ي se rappellent du الدين أو ils appliquent le الدين que pendant Ramadan. Cette période qu'on vit الآن ولله الحمد. ثم le reste de l'année في غفلة. هؤلاء الآن يسون في رمضان يجب أن يكون متشكرين عبر الله سبحانه وتعالى ويفعل جهود ويستمر بعد رمضان. فالله سبحانه وتعالى لا يعبد في شهر رمضان فقط. لا نعبد الله سبحانه وتعالى في رمضان, le mois de رمضان فقط. لا. الله سبحانه وتعالى يزكي pour العبادة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هكذا قال جل وعلا. Et on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à notre mort. Mais les gens, hatta fi Ramadan, probablement ils n'adorent plus Allah subhanahu wa ta'ala. La siyam wa la salat wa la shay. Qala Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, fayakun min al-dhalli. Taqaddam ma'ana fi tafsir surat al-Fatiha, anna al-dhalli, الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى على الجهل. لماذا؟ لأن أكل دو ست غفلة يفون بلو دي فور بور كونتخ الحق, فربما Il voudra adorer Allah subhanahu wa ta'ala de temps en temps, ou à certains moments, ou toujours, lakin à cause de le reflet, il va adorer Allah subhanahu wa ta'ala à la djahl, en se basant sur les coutumes, en se basant sur les rêves, en se basant sur les gens ils font. Pourquoi l'anna le reflet l'empêche de connaître le haqq et de prendre cette vérité à la source, al Qur'an ou sunnah. فيكون من الضالين أي سكي أدور الله سبحانه وتعالى على الجهل كالنصارى إذا أدور الله سبحانه وتعالى ودبع على الجهل ثم انحرفوا والآن كثير منهم سدي ملاحدة بوركوا الغفلة قال واتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه. Deuxième obstacle, ittiba'ul hawa. Yassudduhu an qasdil haq. Wa iradatihi wa ittiba'i. À cause de ses passions, il ne peut plus suivre ce haq. Limadha li anna hadhihi al-shahwa, ou al-hawa, qui est dans son cœur, elle l'empêche de suivre le haq, iyadun billah. Qala fayakoun milal maghdoubi alayhim. Rabbama il connaît le haq, contrairement au premier cas. الظالون إذا دعوا الله سبحانه وتعالى بالجهل أما سيدو زمكا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه السيد هؤلاء يكونس الحق لكن entre eux الحق يان obstacle الهوى ils ont peur de se faire critiquer ou ils ont peur de abandonner الدنيا عيادا بالله et à cause de cela ils adorent pas الله سبحانه وتعالى اتباع الهوى وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هؤلاء ils ont une bonne niya, ils se sont écartés de l'hawa. هذه العبادة العظيمة الهجرة que النبي صلى الله عليه وسلم il a cité en exemple et c'est valable pour toutes les adorations, leur hijra, leur ibadah, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils suivent le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ مْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهَا. Cette ibadah à cause de l'hawa. Mathalan, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité comme exemple al-hijra. Pourquoi il se déplace? C'est pour se marier. Ou pour dunya. Il n'aura pas la récompense de celui qui a fait le hijra lillah, subhanahu wa ta'ala, abadan. C'est ça l'essentiel. Préserver hadha al-qalb. An al-a'mal qu'on fait, que ce soit fi Ramadan ou fi ghayrihi, an al-qasda, c'est de se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on fait attention aux obstacles qui nous écartent de hadha. Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, il en a cité deux. Il en a cité d'autres dans cette risala qu'on lira ensemble, incha'Allah. Huna, il a cité al-ghafla, wa tiba' al-hawa. Qala, wa amma al-mun'am alayhim, fahumu al-lazina manna Allahu alayhim bima'rifati al-haqq ilma, wa bil-inqiyad ilayhi wa itharihi ala ma siwahi amala. Amma al-mun'am alayhim. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a guidé. Ihdina sirat al-mustaqim. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Ha'oula al-mun'am alayhim. Et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a guidé. Il a comblé de ses bienfaits subhanahu wa ta'ala. Humu al-ladhina manna Allahu alayhim bima'rifati al-haqqi ilma. Awalan al-ilm. Wa hadha al-ilm, il faut faire des efforts. لأن الله سبحانه وتعالى إذن سعيل ما كيف وأمرنا بأخذ الأسباب فأولا يفون des efforts في العلم contrairement au juhal contrairement au dhalloun qui adore الله سبحانه وتعالى بالجهل فهؤلاء يفون des efforts في العلم وبالإنقياد إليه وإيثاره على ما سواه عملا كذلك يفون des efforts في العمل لأن علما بلا عمل c'est une hujja ala sahib. C'est une preuve contre celui qui a du ilm s'il ne l'applique pas. Fa l'ilm, c'est utile, c'est profitable pour le abd s'il l'applique. انقياد استسلام لله عز وجل. قال وبالانقياد إليه وإيثاره على ما سواه عمل. وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة. C'est une faïda عظيمة. أن si tu veux être sauvé, أخي الكريم, في الدنيا وفي الآخرة, fais des efforts dans ces deux points. واحذر de toute chose qui peut t'écarter de ces deux points. العلم والعمل. C'est ça, sabil al-naja. Ceux qui veulent être sauvés, c'est ça le tariq. قال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا الإيمان اللي فوندي سوى العلم وعملوا الصالحات. دو بوان العلم والعمل. وحذر de tout ce qui peut t'écarter من العلم ومن العمل. Que ce soit الدنيا أو que ce soit argent, travail ou autre. احذر احذر ايه notre vie في الحقيقة الأصل صدويت ces deux points العلم والعمل et tout le reste من أمور الدنيا les choses qui sont permises كالعمل والزواج وغير ذلك صدويت fondé sur العلم والعمل. أما si on fait l'inverse, on profite de الدنيا, on se marie, on a des enfants إلى آخره, et l'ilm ou l'amal, ça vient après. Fafi, hada l'hal, l'insan, il n'arrivera pas. Limada, l'anna l'insan, sa abdillahi azza wa jal, wallahu subhanahu wa ta'ala, khalaqahu, illa min ajli hada. Que pour ça? Al-ibada ou l'ilm. Qala, wa haula, humu alladhina ala sabil al-naja, wa man siwahum ala sabil al-halak. Il n'y a pas un autre chemin. Imma siratul mustaqim, imma subul. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Hakada qala azza wa jal. Fasabilun naja, il y a un chemin pour être sauvé et les autres chemins c'est iyadan billah subul al-halak wal inhiraf. Qala ومن سواهم على سبيل الهلاك. Donc accroche-toi, أخي الكريم, Quran و السنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم. Profite de أقوال أهل العلم. Fais des efforts pour emprunter ce chemin. لأن si tu ne suis pas ce chemin, forcément tu suivras autre chose. فلهذا قال ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقول كل يوم وليلة عدة مرات اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tellement que c'est important, chaque jour on doit réciter au minimum, si on fait al-fara'id, 17 fois. Yani chaque jour on fait 17 rak'at obligatoires. 2 rak'at fil fajr et 4 rak'at pour al-dhuhr wal-asr wal-isha et 3 rak'at pour al-maghrib. Ça fait 17. Enfin, 17 fois par jour on fait cette demande. Lakin, à cause du premier obstacle que Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi l'a cité, al-ghafla, kathirun min al-nas. Et on n'est pas à l'abri, nous. On récite ahyanan ces versets et on est fi ghafla. Pourquoi? Parce que c'est devenu automatique. Ahyanan, pose-toi la question, quand tu as fini la récitation de Surat al-Fatiha, qu'est-ce que tu as compris? Tu verras que Ahyanan, on n'a même pas réfléchi, même pas médité. Pourquoi? Le cœur, il est occupé par autre chose, al-ghafla. Amma celui, son cœur, il est vivant. Son cœur, il est malib al-ilm wal-iman. Wa yatadabbar kalam Allah azza wa jal, fa sayastafid yawmiyan. C'est Fawaid qui cite Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi. Rubbama, pour certains d'entre nous, c'est nouveau. Celui qui médite fi kitabillahi azza wa jalla, il est ala ilm, stafada min Ibn al-Qayyim ou min ghayrihi rahmatullah alayhim jami'an. Tous les jours, il va se rappeler ces Fawaid. Ihdina sirat al-mustaqim. C'est quoi le sirat al-mustaqim? On demande une chose tous les jours, on doit savoir c'est quoi. Sirat al-mustaqim, c'est tariq al-rusul. C'est le Coran ou le Sunnah, c'est l'Islam, c'est l'Iman. On demande tous les jours à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider à la hada sirat. Alors, on n'a pas le droit de se contredire et critiquer hada surat comme ils le font le ba'd, iyadan billah. Ils récitent tous les jours ihdina surat al-mustaqim, thumma ils critiquent sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils critiquent le hijab, ils critiquent al-hudud, hudud Allah subhanahu wa ta'ala, al-qisas. Ils critiquent كثير من الأمور. Pourtant, ils récitent tous les jours ihdina surat al-mustaqim. فلماذا التناقض الغفلة الجهل كذلك اتباع الهوى. قال صراط الذين أنعمت عليهم. C'est qui هؤلاء? C'est ceux qui ont suivi le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم فأيها المسلم. C'est هؤلاء tes exemples. والله الكفار ils veulent pas ton خير et c'est pas des exemples. بل ils veulent que ton mal. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودِ وَلَا النَّصَارَ حَتَّى تَتَّبِعْ مِلَّتَهُمْ. أما الله سبحانه وتعالى il t'a ordonné de suivre le chemin de هؤلاء. قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله سبحانه وتعالى il a cité les deux cas. قال غير المغضوب عليهم أي يعرفون الحق لكن الهوى. C'est quoi qui a empêché les Yahoud de suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? C'est le hawa. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ils ont reconnu le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'était haq comme ils reconnaissaient leurs propres enfants. Lakin, pourquoi ils ne l'ont pas suivi? Pose-toi cette question. Limada. Les annahu, normalement, ils auraient dû le suivre. Ils savaient très bien que c'était le haq. Pourquoi les anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était cité dans leur livre avec des awsaf. Et ceux qui étaient à la ilm, ils savaient très bien que c'était lui, le prophète qui devait venir après Isa alayhi salatu wasalam. Et il est venu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah il l'a envoyé. Lakin, pourquoi ils ne l'ont pas suivi? Al-hawa, al-ta'assub. Ils attendaient et ils espéraient que ce Nabi, il soit min qawmihim, ay min bani Israël. Lakin, Allah subhanahu wa ta'ala les a éprouvés. Et ce rasoul, il l'a envoyé min al-arab. Et c'est afdal al-rasoul, et c'est khatim al-rasoul. Tout le monde doit le suivre. Al-hawa, cet obstacle les a empêchés de suivre. Là, vu que c'est un arabe, ils n'ont pas voulu le suivre. Al-ta'assub. Ta'assub, c'est min al-hawa. Nous fais attention. Al-haq, on l'accepte. Que ce soit une personne que tu connais ou que tu ne connais pas. أما رجت الحق لماذا لأن أتل لدتل ناسيوناليتي أو parce que c'est pas ton chir أو parce qu'il contredit ton chir أو parce que la majorité font autrement, tout ça c'est من الهوى et c'est طريق المغضوب عليهم. Et tous les jours on récite هذا غير المغضوب عليهم. On doit faire des efforts. Al-Maghdoub alayhim, on répète, c'est celui, ceux plutôt qui connaissent Al-Haq et ils ne le suivent pas. Limada Al-Hawa. Qala wala dhalli. Kadhalik, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous écarte du chemin de Ha'oula. Lakin, si on fait du'a, on doit faire l'asbab. Si on veut ne pas faire partie de Ha'oula qui adore Allah subhanahu wa ta'ala bijjal, on doit faire des efforts. Fimada Fil'ilm. Fad-du'a, c'est tayyib, c'est nafi' jiddan. Lakin, il faut faire l'asbab. Amma, celui qui fait du'a, thumma, il contredit son du'a et il fait aucun effort. Fahada, qad la yustajabla. Qala fa inna al-abd muttarru kulla l'ittirar ila an yakun arifan bima yanfa'uhu fi ma'ashihi wa ma'adih wa an yakun mu'athiran muridan lima yanfa'uhu. Hada, c'est pour l'aqil, ma min aqil, wa illa ivul khayr pour son nefs. Ma min aqil. Qal ibn al-Qayyim, on répète, fa inna l'ab muttar kulla l'ittirar ila an yakun arifan bima yinfa'u. Tu dois connaître les choses qui vont être utiles, profitables pour toi. Que ce soit fi dunya ou fi l'akhira. Fa matalan, il y a des choses fi dunya, elles sont nuisibles, fa la chèque al-aqil, il va s'écarter. Al-Aqil, il ne s'approche pas du feu, ça peut le brûler. Al-Aqil, il ne s'approche pas de Ahlul Fasad ou le Fisq, ils peuvent l'écarter. Ahakada ton din, il y a des choses qui vont faire du mal à ton din, écarte-toi, Akhil Kali. Qala, wa an yakun mu'athiran muridan lima yanfa'uhu. Il s'écarte des choses qui vont lui faire du mal et il fait des efforts dans les choses où il y a un profit, il y a un khayr pour lui. Lakin al-mushkila, pour s'écarter du shar, il faut le connaître. Et pour se rapprocher du khayr, il faut le connaître. Vous avez remarqué qu'on revient da'iman au ilm. لأن بعض الناس الآن pour eux certaines choses c'est mauvais alors que c'est un bien. كم من الناس ils pensent que appliquer sunna c'est mauvais. عيادم بالله. Alors que c'est al-khayr. Ils ont demandé à l'imam Ahmed rahmatullah alayh عن رجل أنه il était suivi sunna بقوة et il est mort à la sunna. Ils lui ont demandé هل فلان مات على الخير. الإمام أحمد رحمة الله عليه قال بل مات على الخير كله. Il est mort sur le bien. Heureusement qu'il est mort sur le bien. بل tout le bien c'est ça, c'est suivre la sunna. مع هذا تتخوف بعض الناس بسبب جهلهم. Ils pensent que c'est mauvais. Et d'autres choses, l'axe, c'est mauvais. Et eux ils pensent que c'est bien. Donc ça revient au علم. قال مجتنبا لما يضره. فبمجموع هذين يكون قد هدي إلى الصراط المستقيم. فsi tu veux suivre الصراط المستقيم, tu dois connaître le khayr et l'appliquer. Et أعظم الخيرات وأنفع الأمور c'est التوحيد. C'est la base du khayr. Pas de khayr sans توحيد أبدا. ثم les obligations والسنن الإسلام. C'est ça le khayr. Et appliquer. Ash-shar kadhalik. Si tu veux suivre le sirat al-mustaqim, tu dois t'écarter du shar. Et la chose la plus grave, akbar al-dhunub wa akhtaruha, c'est ash-shirk billahi azza wa jal. Celui qui veut suivre le sirat al-mustaqim, il apprend le khayr, le tawhid et tout ce qui vient après, il fait des efforts pour appliquer. Kadhalik, il apprend shar pour s'en écarter. Ash-shirk et al-bid'a wa sa'ir al-muharramat, il a du ilm, hatta il s'écarte. قال فإن فاته معرفة ذلك سلك السبيل الضالين. Si il n'est pas à la ilm, il suivra le chemin de الضالون. Même si il a une bonne niya, même s'il est motivé et il veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de son ignorance il va inventer. لأن pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala il n'y a qu'un chemin, c'est le chemin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. تأمل إلى عبادات الصوفية الضلال أنهم يفلسوا عبرش الله يزعمون لكن بسبب الجهل ils se basent sur les rêves, ils se basent sur les coutumes, sur les ancêtres qu'ils ont fait, les grands-pères, les parents, إلى آخر فانحرفوا ضالون. Même si النية c'est d'adorer Allah سبحانه وتعالى, la bonne نية elle est utile avec العلم ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن فاته معرفة ذلك سلك سبيل الضالين. أي سيلي بعلى علم. قال وإن فاته قصده واتباعه سلك سبيل المغضوب عليهم. السي إلى الكونيسانس إلى العلم لكن إلى أبليكبا هذا سلك سبيل المغضوب عليهم. كذلك العلم ça suffit pas. لا بد من عمل. العمل ça suffit pas seul. لا بد من علم. قال وبهذا يعرف قدر هذا الدعاء العظيم وشدة الحاجة إليه وتوقف سعادة الدنيا والآخرة عليه. Après tout ça, tu vas te rendre compte نعم إن شاء الله تعالى de l'importance de ce dua qu'on répète tous les jours. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Al-ilm wa al-amal, c'est ça as-sirat al-mustaqim. Al-ilm, al-kitab wa as-sunnah et l'amal, l'appliquer comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait. Ghayr al-maghdoubi alayhim. Ça c'est la première catégorie qu'a khalif. Ils ont du ilm, ils connaissent, lakin ils n'appliquent pas. Comme les yahoud et ceux qui suivent les yahoud. Ghayr al-maghdoubi alayhim wa al-dallin. Ils font des choses لكن بالجهل فايسرابيل سو رابروشي دالله سبحانه وتعالى لكن بدع خرافات منامات اكسيتيرا فسي tu veux être sauvé tu appliques هذه الايه tu fais هذا الدعاء بقلبك pas avec ta langue فقط بلسانك وبقلبك Et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala yawmiyan hada fi salatik ihdina as-sirat al-mustaqim lakin on fait des efforts fi ta'ammul li'anna pour être sincère il faut comprendre hada celui qui comprend la shakana sa sincérité elle va être qawiyya et s'il est sincère Allah subhanahu wa ta'ala il lui répond qala wal'abdu مفتقر إلى الهداية في كل لحظة ونفس في جميع ما يأتيه ويذره يذره أي يتركه ما يأتيه أي que ça soit dans ce que tu fais ou ce que tu délaisses t'as besoin de quoi de l'hidaya ça nous montre أن أعمال الخير الاستقامة التمسك بالسنة l'ijtihad fait l'ilm, tout ça c'est bitawfiq Allah Azza wa Jal. T'arriveras pas à faire une chose, min al-khayr, que ce soit ilm, amal, etc., ou délaisser du shar, que ce soit le shirk, que ce soit le bid'a, que ce soit le haram, illa an yasha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi aqidatul mu'min, anna al-umur biyadi Allah Azza wa Jal. Qala, والعبد مفتقر إلى الهداية في كل لحظة ونفس. Chaque moment tu as besoin de الهداية. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ربما إنسان يزيغ ينحرف في لحظة. Une parole. ربما il sort de l'islam, il s'égare. عيادا بالله. Une pensée rentre dans son cœur, elle cause son égarement. فلهذا الإنسان il a besoin de هذا الدعاء de هذه الهداية في كل لحظة اللحظة c'est les moments chaque moment ونفس قال في جميع ما يأتيه ويذره فإنه بين أمور لا ينفك عنها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه va citer plusieurs catégories pour nous démontrer أن on a tous besoin de هذه الهداية لا أحد يقول أن il n'a pas besoin de هذه الهداية il connaît le haq il l'applique الحمد لله أبدا فلهذا شرع الله سبحانه وتعالى لعباده أن يقول هذا الدعاء كل يوم بل عدة مرات كل يوم في قراءتهم لسورة الفاتحة C'est pour ça que on doit réciter le Fatiha tous les jours. قال أحدها premier cas أمور قد أتاها على غير وجه الهداية جهلا فهو محتاج إلى أن يطلب الهداية إلى الحق فيها Peut-être que tu fais partie de ha'oula, annahum, ils ont fait une chose à la jahl. Ataha ala ghayri wajhi al-hidayah jahlan. Il a fait, peut-être il a voulu se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec une ibadah, mais qui n'allait pas légiférer, à cause de son ignorance. Ahada, qu'est-ce qu'il a besoin? Fahuwa muhtaj ila an yatlub al-hidayah ila al-haq fiha. Ahada, quand il dit ihdina as-sirat al-mustaqim, fa il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le guide. Qu'il le guide et qu'il apprenne et qu'il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala bi ibadatin mashru'a. Une ibadah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a montré. Alayhi salatu wa sallam. Qala, ou yakun arifan bil hidayati fiha, fa ataha ala ghayri wajhiha amdan, fa huwa muhtaj ila tawbati minha. Et ce cas il est plus grave. L'insan peut ignorer certaines choses, lakin ihdhar min al-kibr. Tu peux faire une chose, khassatan fi bidat l'istiqama. L'insan il n'a pas beaucoup lu, il n'a pas beaucoup de ilm, il a une bonne intention, mais il fait une chose et il n'y a aucun délit. Lakin idha nusihta fa accepte nasiha. Attention au kibr. Ce qui a causé la perte de Iblis, c'est le kibr, l'orgueil. Ce qui a causé la perte de l'Yahoud, c'est le kibr, l'orgueil. Ils n'ont pas voulu se soumettre et suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, celui qui ignore une chose et il est conseillé bi'ilm, accepte Akhil Karim. Il t'a conseillé, c'est que parce qu'il veut ton bien, c'est ça l'asm. Et si c'est du ilm, prends. Qala, deuxième cas, ou yakun arifan bil hidayati fiha. Deuxième cas, il connaît al-haq. Il connaît la guidée. C'est quoi le hidayah dans telle chose? Lakin, fa'ataha ala ghayri wajhiha amdan. Lakin, volontairement, contrairement au premier cas, l'ignorance, la hada il sait. Lakin, volontairement, il fait cette chose ala ghayri wajhiha al-mashru'a. Iyadam billah. قال فهو محتاج إلى التوبة منها. هذا كذلك quand il fait الصلاة il dit اهدنا الصراط المستقيم, أي الله سبحانه وتعالى il lui facilite à faire توبة à cause de sa مخالفه et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme amar. Troisième cas, أو أمور لم يعرف وجه الهداية فيها علما ولا عملا ففاته الهداية إلى علمها ومعرفتها وإلى قصد ومعرفتها وقصد وإلى قصدها وإرادتها وعملها. Troisième cas, أنه لا علم ولا عمل. Il sait pas et il applique pas. هذا كذلك quand il dit اهدنا الصراط المستقيم, أي il doit demander à Allah سبحانه وتعالى بنية خالصة أن الله il le guide à apprendre et à appliquer. قال أو أمور قد هدي إليها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها. حقيقة ça englobe tout le monde. هذا tous ces points qu'il va citer, vous verrez que ça englobe tout le monde. وعد الناس, et c'est le quatrième cas qu'il cite هنا, قال قد هدي إليها, il a été guidé, لكن il a des faiblesses. Certaines choses il arrive à les faire correctement et d'autres choses là. هذا يفيد دعاء أن الله سبحانه وتعالى يوفقه, أنه يكونتينيو أفير دي زفور بور أبليكي ما أمر الله سبحانه وتعالى به على الوجه المشروع. قال فهو محتاج إلى, أو قرأنا قال فهو محتاج إلى هداية, أو نعم ونعيب السانكيام, نعم قال أو أمور قد هدي إلى أصلها دون تفاصيلها فهو محتاج إلى هداية التفصيل. certaines choses on les connaît من حيث الإجمال. مثلا بعض الناس ils ont du ilm fi sifat as-salat lakin bil ijmal, amma at-tafsil en détail il a pas de ilm, et s'il a pas de ilm il pourra pas appliquer. Fa hadha quand il dit ihdina as-sirat al-mustaqim ay anna Allah subhanahu wa ta'ala yuwaffiqahu fi ma'rifati hadhihi al-ibada bit-tafsil. Kadhalik al-hajj, كثير منا on sait comment faire le hajj, انه il faut faire tawaf, انه il faut faire sa'i, انه قبل ذلك الاحرام, لكن بالتفصيل ربما on a des faiblesses. On demande à Allah سبحانه وتعالى الهدايه في هذا. قال او طريق قد هدي اليها وهو محتاج الى هدايه اخرى فيها, فالهدايه الى الطريق شيء والهدايه في نفس الطريق شيء اخر. هذا سنافع جدا. ربما هذا الشخص لا يتجدي ولله الحمد, لكن il a besoin كذلك d'une autre guidée pour continuer. Il va donner l'exemple du musafir pour éclaircir. قال رحمه الله ألا ترى أن الرجل يعرف أن طريق البلد الفلاني هو طريق كذا وكذا. Il donne cet exemple de cet homme qui veut voyager et il sait la route. Il sait qu'il doit voyager de telle ville à telle ville. قال ولكن لا يحسن أن يسلك أن يسلكه فإن سلوكه يحتاج إلى هداية خاصة في نفس السلوك. Il connaît la route, il connaît le chemin, لكن نفس الطريق, comment faire pour se rendre de tel point à tel point, ربما il a un manquement. فهذا كذلك il doit faire الدعاء pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite سلوك هذا الطريق. Et le voyage c'est qu'un exemple. قال كالسير في وقت كذا دون وقت كذا. ربما tu dois avoir des informations أن voyager à tel moment de la journée c'est pas طيب. Le mieux c'est tel moment. قال وأخذ الماء في مفازة كذا مقدار كذا والنزول في موضع كذا دون كذا. كذلك tu vas avoir besoin de telle provision. كذلك tu dois avoir العلم أن s'arrêter à tel endroit c'est mieux, s'arrêter à tel endroit c'est dangereux. Tout ça, ça va être utile pour l'abd. قال فهذه هداية في نفس السير قد يهملها من هو عارف بأن الطريق في هذه فيهلك وينقطع عن المقصود. ربما il sait que le chemin c'est كذا, لكن s'il ignore certains détails et il n'est pas guidé في نفس الطريق فربما يهلك, ربما يبيغي في الطريق أو ينقطع أو il n'arrive pas à finir. Et on peut citer deux exemples هنا. وعد الناس الله سبحانه وتعالى هداهم إلى الإسلام فسيدي فنيو ولله الحمد دي مسلمون مؤمنون لكن كم من الناس ينقطع أكوز دون كلمة أكوز دون عمل et il sort de l'islam. Enfin, être guidé, c'est une chose. Lakin, rester sur la guidée, c'est une autre. C'est ça, ma'ana kalamihi, rahmatullah alayhi. On répète, فَالْهِدَايَةُ إِلَى الطَّرِيقِ شَيْءٍ وَالْهِدَايَةُ فِي نَفْسِ الطَّرِيقِ شَيْءٌ آخر. Ça nous montre l'importance de هذا الدعاء. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ. Si tu es guidé, وَلِلَّهِ الْحَمْدِ اِحْمَدِ اللَّهِ. Et bien sûr, tu es obligé de faire ce dua fi as-salat. Et ce dua parmi les sens, الثبات. أي أن الله سبحانه وتعالى يثبتك على هذا الصراط. فالهداية شيء. Avoir été guidé, c'est une chose. Et rester sur la guidée, c'est une autre. Et pour rester sur la guidée, il faut connaître les choses qui éloignent de cette guidée. فمثلا بعض الناس يرنت في الإسلام. ثم, pour une raison, il sort de l'islam. لماذا لأن rentrer في الإسلام c'est طيب et c'est مهم et connaître ce qui annule l'islam c'est طيب et c'est مهم حتى on est des musulmans ولله الحمد et on contredit pas notre islam لأن celui qui rentre في هذا الدين il a aucune garantie أنه il va mourir sur l'islam et parmi les causes أن الإنسان يثبت الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم et bien sûr appliquer les causes. On peut citer un autre exemple كذلك, العلم. كم من الناس الله سبحانه وتعالى les a guidés sur le chemin de l'ilm. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. C'est une عبادة عظيمة. Et c'est le chemin qui emmène à la jannah. العلم, طلب العلم. فكم من الناس ils ont été guidés ثم ils arrivent pas. أو عيادا بالله ينقطعون يدلس كومبليتمون ربما سي ان طالب علم 1 ans 2 ans ثم il arrive plus à avancer et plus grave encore il délaisse pourtant il a été guidé à la base il y a des causes qu'on avait étudié avec certains frères qui écartent du ilm al kibr l'orgueil la mauvaise intention une mauvaise méthodologie, le manque de patience, les mauvaises fréquentations, tout ça, ça peut écarter de cette ni'ma. Nahnu, fais attention, et parmi notre intention, ou les intentions qu'on a quand on fait ce dua, ihdina as-sirata al-mustaqim, an Allah nous guide, et kadhalik, an Allah nous préserve, hatta on reste ala hada as-sirata al-mustaqim, ilman wa amalan, que ce soit au niveau du ilm, ou du amal. Qala, وكذلك أيضا ثم أمور هو محتاج إلى أن يحصل له فيها من الهداية في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي حقيقة on l'a dans l'explication on l'a cité précédemment Ibn Qayyim rahmatullah alayhi il l'a cité هنا كذلك tu peux être guidé aujourd'hui et demain Allah أعلم بحالي وبحالك وبحالنا أجمعين فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قوله عليه الصلاة والسلام اللهم ثبت قلبي على دينك فالعلم سطيب والعمل سطيب لكن العبرة سبيل خواتيم العبرة سبيل خواتيم الإنسان ce qui compte c'est sa fin أما واحد toute sa vie c'est un مسلم ثم بسبب من الأسباب عياذا بالله il sort يرتد يكفر يدلس الإسلام et il meurt il est considéré كافر même si pendant des années il a fait le hajj والصلاة والصيام فالعبرة بالخواتيم donc quand نحن on fait ce dua اهدنا الصراط المستقيم on demande à Allah سبحانه وتعالى أن يهدينا في المستقبل كذلك et أنه عز وجل ينفس مغير على هذا الحال قال وأمور هو خال عن اعتقاد حق أو باطل فيها فهو محتاج إلى هداية الصواب فيها certaines choses on ne sait pas si c'est حق ou باطل عيادا بالله بعض الفتن تهجم بعض الأفكار et au départ tu ne sais pas est-ce que cette chose c'est حق c'est باطل est-ce que فلان il est على حق أم il est على باطل فتنة ففي قولك اهدنا الصراط المستقيم tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui te guide خاصة إذا اختلف الناس في هذه المسألة فتدماض الله سبحانه وتعالى الهداية، أن الله سبحانه وتعالى يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هذا من الأدعية الطيبة. قال: وأمور يعتقد أنه فيها على هدى وهو على ضلالة ولا يشعر. عيادا بالله. Des choses, بعض الناس ils pensent qu'ils sont à la haq, et ربما ils font beaucoup d'efforts في هذا, et ربما ils utilisent leur argent, leur enfant, leur nafs في هذا, et في الحقيقة ils sont à la dhalal. وهو لا يشعر, et ils s'en rendent même pas compte. كحال أهل البدع والأهواء. بعضهم ils font des efforts, لكن ça fait باطل. الصوفية, الرافضة الزنادقة, الخوارج, المعتزلة الجهمية, tous ceux-là, ils pensent qu'ils sont à la haq, et في الحقيقة ils sont à la dhalal. نحن دمض الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. Si on pense qu'une chose c'est haq, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala yuthabbitana, et il nous guide si c'est le haq. Et si c'est un batil, Allah subhanahu wa ta'ala il nous écarte de cette chose. Ça nous montre qu'on doit faire des efforts. On doit faire des efforts. C'est pas tout ce qui est propagé au nom de l'islam, c'est forcément haq. Comme minan nas l'an, il propage un islam qui est fondé sur le kufr. Et on a déjà conseillé kathiran fi hada. L'islam de France, l'islam de la République, c'est basé sur le kufr. Sur la démocratie, sur respecter toutes les religions, celui qui veut appliquer, l'applique, celui qui ne veut pas appliquer, l'applique pas, tout ça c'est du kufr, billahi azza wa jal. Et pardon, ils pensent que c'est le haq, ils appellent à hada. نحن demande à Allah subhanahu wa ta'ala an yahdina. Lakin on doit faire des efforts pour connaître le haq, fahdhar. Comme minan nas, ils prétendent appeler à la sunnah, et en haqiqa, ils appellent à l'bida. Comme minan nas, ils prétendent appeler à l'ijtima' wa. والجماعه في الحقيقه اذا بلا الحزبيه الواضحه ففي اتونسيون ا سكي بروباجي الان فالدعاوى كثيره بوكو دو جون يبريتوند لكن الحق اللي قديم اللي واحد سي لا فوا دو بروفيت صلى الله عليه وسلم اي دو الصحابه فدائما اون بيز لي جون والافكار والاعمال بك الكتاب والسنه فلا تغتر لو بروميير كي ابل ا اون شوز تو لو سوي لا فلهذا Ibn Sirin, rahmatullah alayhi, il a une célèbre parole. Et elle est mashhoura, ma'louma, inda al-kathir. Qala, rahmatullah alayhi, inna hadha al-ilma din. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Faites attention de qui vous prenez votre din. Ahdhar, surtout à notre époque. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam akhbara anna hadhi al-umma sataftariq ala 73 firqa. Kulluha fi an-nar, illa wahida. 73 groupes, ils sont tous égarés, tous finna, sauf un groupe. Al-Jama'a, Al-Sunna, Atba' al-Salaf, Aula, ils sont à la haq, mais les autres, ils sont à la batil, fala taghtar, fala taghtar. Khasatan l'an, avec tous ces moyens, kathirou minanas, ils appellent ba'aduhum, rubbama, ils ont une da'wa, ils appellent à des choses, wallah, ils sont min ajhal al-jahilin. Et ma'a hada, tu trouves, ils ont des suiveurs. Pourquoi لأنه, il prétend appeler à l'islam au haq. Ça ne suffit pas, la prétention, ça ne suffit pas. Là, ce qui compte, c'est l'amal, c'est l'aqidah tout shakhs, c'est son manhaj. Est-ce qu'il suit le haq? Est-ce qu'il est à la ilm? Est-ce qu'il appelle bi'ilm? Alhamdulillah, si c'est le cas, on profite. Wa illa si c'est un jahil, un munharif, il appelle au batil, même s'il prétend appeler au haq, la chacun n'en prend pas de lui et أمي أقعد بعلم. قال وأمور قد فعلها على وجه الهداية وهو محتاج إلى أن يهدي غيره إليها ويرشده وينصحه فإهماله ذلك يفوت عليه من الهداية بحسبه كما أن هدايته للغير وتعليمه ونصحه يفتح له باب الهداية. Et le dernier point qu'il a cité, أن بعض الأمور ربما إنسان إلى يتجدي إلى على علم إلى سانسير لكن إلى besoin de montrer aux autres. فلهذا قال ابن القيم رحمة الله عليه فإهماله ذلك يفوت عليه من الهداية. أما سيكون الحق إلى أبلي ثم ils voient les autres qui ne connaissent pas et qui n'appliquent pas, et ce thé, ils ne leur montrent pas. هذا, par rapport à son délaissement, il aura une faiblesse dans la guidée. لأن من الهداية, c'est de montrer aux autres. S'il ne montre pas, là, chaque il a un manquement. Après avoir lu tous ces points, tu te rends compte, on est tous concernés. Tous concernés, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala amarana bihada du'a kulla yawm, plusieurs fois. Qal ibn al-Qayyim wa ta'limahu wa nushahu yaftah lahu bab al-hidayah. Et si tu conseilles, si tu fais des efforts pour enseigner aux autres, pour montrer, fa Allah subhanahu wa ta'ala yaftah alayk abwab, des portes que probablement tu pensais que l'issue elle était bloquée, elle était fermée. Allah subhanahu wa ta'ala yaftah alayk. On revient daiman au ilm. Celui qui parle doit parler de ilm. Celui qui conseille doit conseiller bi ilm. Qala fa innal jazaa min jinsi al-amal, fa kullama hada ghayrahu wa 'allama hadahu Allah wa 'allamahu fa yasir hadiyan mahdiya. Al-jaza'u min jins al-amal. Si tu donnes ton temps pour montrer aux autres, et ton intention c'est de guider les autres, bi-idhnillahi azza wa jal, ay hidayat ilm wa bayan, ay tu leur montres, fa Allah subhanahu wa ta'ala, il te récompense. Il te guide. Tu as donné ton temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il te met de la baraka dans ton temps. Tu as aidé ton frère, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aide. Tu as facilité à ton frère, Allah il te facilite. Fata'awun, c'est muhim. Ne pense pas que tu perds ton temps en t'entraînant avec tes frères. Abadan. Wallahi samina al-baraka. Qala, kama fi du'a'i nabi sallallahu alayhi wa sallam alladhi rawahu tirmidhi wa ghayruhu, Allahumma zayyinna bi zinat al-iman waj'alna hudatan muhtadin. C'est ça le shahid. Hudatan muhtadin. Hudatan, ay pour les autres. Ay, on montre aux autres, on est la cause de la guider pour les autres. Muhtadin, ay fi anfusina. Fal insan, il essaye d'être hadien pour les autres. Muhtadin fi nafsi. Les deux. Amma, penser qu'à soi et négliger ses frères, ne pas montrer, ne pas donner de son temps. Fahada al-shakhs, il a un khalal, il a un manque. Fi hidayati. Il a besoin de continuer de faire ce dua, d'être sincère, et de ne pas négliger ce sens qu'il a cité l'imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi. Qala ghayra dhallin wala mudhillin silman li awliyaik harban li a'da'ik nuhib bihubbik man ahabbak wa nu'adi bi 'adawatik man khalafak. هذا الحديث il est ضعيف لكن المحقق نبه ان للشاهد اي اللهم زيننا بزينه الايمان واجعلنا هداة مهتدين. Il y a des autres hadiths qui vont dans ce sens. فَلِهَذَا قَالَ صَحَّحَهُ بَعْضَ الْعُلَمَا مِنْ حَدِيثٍ آخَرٍ. Parmi ces savants qui ont صحح cette partie avec d'autres hadiths, l'imam Al-Albani rahmatullah alayhi fi صحيح سنن النسائي. نكتفي بهذا القدر. Et dans le dars suivant, on continue, inshallah ta'ala. Walhamdulillah.